et Carole. Là, on parle de personnes. On dit, as-tu des nouvelles de elle? As-tu des nouvelles de celui-là? As-tu revu celui-là? Donc, ça me ramène dans le passé un peu, puis que de voir la fidélité de Dieu dans la vie des gens. Et ça m'encourage de pouvoir me rappeler que Dieu est à l'œuvre dans la vie des gens. Et on est des outils. Mais quand l'outil n'est plus là, il y a un autre outil qu'il peut utiliser. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu ne parles pas, je peux utiliser même une pierre. Fait qu'imaginez-vous. Fait que si vous avez la tête dure, faites-vous-en pas. Il peut vous utiliser pareil. Il peut utiliser une pierre. Donc, on voit que son œuvre continue de jour en jour, de semaine en semaine et d'année en année jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher en tant qu'Église. Donc, je vous amène des salutations de l'Église de Vitoréville. Tranquillement, l'Église de Vitoréville commence à vous connaître un peu, parce que je parle avec des gens, que je monte à Val-d'Or, puis que je vais faire ci, puis que je vais faire ça. Donc, c'est commence tranquillement à voir l'œuvre que Dieu est en train de faire avec vous et par vous à Val-d'Or, en Abitibi. Et l'autre jour, j'étais en train de dîner, parce que le mercredi, là-bas, on dîne à l'église. Le mercredi, à l'église de Vitoréville, il y a un déjeuner, un dîner, un souper. Il y a une activité toute la journée dans l'église le mercredi. Donc, ça commence à 7h et ça finit à 8h le soir. Toute la journée, il y a des activités. Donc, vu qu'il y a des activités toute la journée, les trois repas sont là. Et là, on y va, on paye sur 3$ pour déjeuner, je pense 5$ pour dîner. Puis il y a des gens qui viennent de partout, il y a des gens, c'est ouvert au public, c'est ouvert, c'est des gens qui veulent amener les amis au travail, ils viennent. Et j'étais assis et je jasais avec quelqu'un, et tout d'un coup, ce quelqu'un-là connaissait quelqu'un que je connaissais, qui connaissait Daniel puis Isabelle. Fait que je disais, ah ouais! Bon, ben, on a fait le tour du Québec tranquillement. J'ai dit, bon, ben. Et là, ça fait des liens, ça crée des liens entre les églises, entre les frères et sœurs. Et ça fait des gens qui vont, des fois, commencer à prier, commencer à s'investir dans l'œuvre. Parce que même si on est loin, même si des fois on se sent isolé, il y a un lien invisible dans l'Église de Dieu. Sans qu'on s'en rende compte. On se rend compte, des fois, je me souviens, parce que j'étais des fois dans le côté anglophone même. Ah ouais, je prie pour cette personne-là, moi, depuis des années. As-tu des nouvelles? Et, ah oui, nous autres, on a donné l'œuvre là-bas pendant des années en tant qu'Église. Ah, as-tu des nouvelles? Et il y a un lien là, invisible, sans qu'on en soit conscient, que l'œuvre de Dieu se fait. Et elle va être terminée complètement quand il va arriver. Il n'y aura pas de retard. Il n'y aura pas de manque. Il va arriver et ça va être terminé. Il va nous prendre avec lui. Donc, nous allons continuer ensemble Éphésiens. Si vous pouvez y tourner si vous voulez. Il va y avoir aussi, on va le mettre à l'écran mais qu'on soit prêt. Et on va être dans Éphésiens chapitre 1, on n'est pas rendu loin. Mais découragez-vous pas, je planifie pour finir pour la fin de l'année. On va finir pour la fin de l'année. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Notre Père du ciel, notre grand Dieu, Toi qui existais avant que le temps existe, toi qui étais en train de penser à nous avant qu'aucun de nous ne soit formé, c'est toi que nous voulons écouter ce matin, c'est toi que nous voulons entendre dans notre cœur. C'est toi que nous voulons que ton esprit nous présente, nous fasse comprendre, nous fasse voir. J'écoutais quelque chose cette semaine sur Internet qui disait que l'univers a une dimension incalculable. Et ta parole nous dit que tu remplis cet univers-là de ta présence. Donc, tu es au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Mais tu veux bien, dans ta grâce, te révéler en nous. Tu veux bien nous montrer qui tu es. Et ce que tu nous montres depuis notre nouvelle naissance nous éblouit, nous pousse à t'admirer, nous pousse à t'adorer. Donc, on te supplie, si je peux dire ça comme ça ce matin, montre-nous encore un peu plus de toi ce matin. car nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes dans Éphésiens et nous avons vu les dernières fois que notre présent, ce dimanche, 8 ou 9 ou 10, 11 avril, est influencé par le passé. Et ce 11 avril, aujourd'hui, dans votre vie, que vous soyez conscient ou pas conscient, est influencé par l'avenir. On s'arrête pas assez là-dessus, que ma journée, ma vie, même au niveau humain, on sait que notre arrière-plan nous influence dans ce qu'on fait aujourd'hui. Puis on sait que ce qu'on planifie pour l'avenir, et là moi je suis en train de planifier tranquillement pour aller en voyage cet été dans les îles de la Madeleine, et ça l'influence des choses dans ma journée aujourd'hui, parce que j'ai un plan pour le mois d'août. Et spirituellement, c'est la même chose. Ce que je suis en train de vivre spirituellement aujourd'hui est influencé par le passé, et le passé, là, il va loin. Il va très loin. Il va loin. Il va jusque avant que le temps commence. C'est-tu assez loin pour vous autres, ça? On parlait de ça, moi, plus que matin, on avait une conversation très pesante pour un dimanche matin, en train de déjeuner. On parlait du temps. Quand c'est, le temps, ça existe-tu? C'est quoi du temps? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, c'est le temps? Puis là, on jasait, mais qu'on soit mort, qu'on soit dans le ciel, le temps va-tu encore avoir d'influence sur nous? Puis là, une grosse discussion pour un matin. Je suis pas vite de même d'habitude, moi. Je suis plus lent que ça le matin. Mais le temps, on est vraiment influencé aujourd'hui. Donc, on a commencé à regarder ça les deux autres fois, que ce que Dieu a fait pour nous avant la fondation du monde, ce que Dieu a planifié pour nous avant la fondation du monde, sans nous consulter, sans nous demander, sans regarder vers l'avenir, parce que j'écoutais un homme cette semaine sur Internet, un théologien des États-Unis, il disait que la grande majorité des croyants évangéliques croient que Dieu, pour décider de l'histoire de l'Église, pour écrire l'histoire de l'Église, Dieu a regardé dans l'avenir et a écrit. La plus grande majorité des chrétiens croient ça, non évangéliques. Un autre groupe des chrétiens disent, Dieu n'a pas regardé dans l'avenir, il a écrit l'avenir. C'est différent, hein? C'est très différent. Il dit que c'était, Dieu a regardé si je croirais, puis vu qu'il a vu dans l'avenir que je croirais, il a écrit mon nom dans le livre de la vie. Non, c'est pas de même que je le vois personnellement. Il a écrit mon nom dans le livre de la vie, et ensuite il a regardé, puis il a vu que je suis sauvé. Parce que lui a décidé ça. On va voir ça ce matin un peu plus. Donc, ce que Dieu a décidé dans le passé influence ma vie aujourd'hui et pour toute l'éternité. Donc, nous avons vu trois vérités qu'on va lire ensemble à partir du chapitre 1. Par l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans ces deux versets-là, on avait vu ensemble que Dieu voulait nous parler. Dieu a un désir, c'est de nous parler, de s'adresser à nous. Son désir de vous parler est bien plus grand que le désir que vous avez de l'écouter. Son désir de vous parler est beaucoup plus grand et tellement grand que ça vous incite à vouloir écouter. Ça vous incite à vouloir savoir. Moi, quand quelqu'un me dit « On a parlé de toi hier », savez-vous qu'est-ce que je pense tout de suite? Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, quand vous entendez ça? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit de moi, là? Là, je veux savoir tout de suite. De quoi ils ont parlé de moi hier? Et quand j'entends tout d'un coup que Dieu a parlé de moi, hein, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, il y a des billions d'années en arrière, si je peux mettre du temps, je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? De quoi ils parlaient entre eux quand ils parlaient de moi? Ça ne vous intéresse pas de savoir, vous autres? Moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. Et dans Éphésiens 1, Dieu veut nous parler, puis c'est pour ça qu'il dit... J'ai envoyé des apôtres, j'ai envoyé Jésus-Christ, je vous ai écrit les Écritures afin que vous sachiez de quoi on parlait. Quand on s'est rencontré, si je peux dire ça comme cela, moi, mon fils et le Saint-Esprit, et qu'on a parlé de l'Église de Val-d'Or, qu'on a parlé de François, qu'on a parlé de vous avant que vous soyez créés. Je suis content qu'il ait écrit pour que ça me dise qu'est-ce qu'il disait de moi, qu'est-ce qu'il pense de moi. Et on va aller au verset 3. Et on a commencé à voir, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » C'est ça, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. On a arrêté là la dernière fois. Donc Dieu dit qu'il nous a bénis de bénédictions spirituelles. Si vous regardez les inconvertis ou les non-croyants, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, et les croyants, et si vous les regardez avec vos yeux humains, il n'y a pas de différence. Ils sont aussi en santé que vous autres, et peut-être même plus. Ils ont peut-être de l'argent, ils en ont peut-être plus. Ils ont des enfants, ce qu'on appellerait en québécois des bons enfants, ils en ont peut-être plus des bons enfants que vous n'avez. Si vous regardez humainement parlant, pas de différence. Et même, ça pourrait nous induire en erreur. Moi, j'ai connu des gens qui disent, je ne crois pas en votre Dieu parce qu'il ne répond pas à mes prières. Je crois à l'autre Dieu parce qu'il répond à ma prière. Donc, ça peut même nous induire en erreur si on pense que les bénédictions sont temporelles. Il dit, il vous a béni dans les cieux de toute bénédiction spirituelle. Spirituelle. Là, quand on regarde ça, là, on voit la différence. Quand on regarde ce que Dieu donne à ses enfants spirituellement, là, les inconvertis, ils n'en ont aucune. Les autres, ce n'est pas des bénédictions, c'est des malédictions. C'est même pas, ils en ont moins. C'est pas qu'ils en ont moins, ils n'en ont pas du tout. Puis ils ont des malédictions en place. Mais nous, ce qu'on va parler tout à l'heure, nous, dans le verset 1, il parlait des saints, des fidèles en Jésus-Christ. Ces saints-là, Dieu a planifié de les bénir de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, avant la fondation du monde. Dieu a planifié de vous bénir. Et ça, c'est pour nous autres, c'est vraiment spécial parce que vous regardez dans toutes les religions du monde. Et même quand j'étais élevé, moi, catholique, ce qu'on essayait de faire, c'est d'apaiser Dieu pour qu'il nous bénisse. On essayait d'apaiser Dieu pour qu'il nous bénisse, avec nos sacrifices, avec nos prières, avec nos offrandes. Ma mère disait, mange ça pour que Dieu nous bénisse, puis fais pas ça pour que Dieu nous bénisse, fais un sacrifice pour que Dieu nous bénisse. Puis on voulait être bénis, puis on apaisait les dieux. Puis regardez les religions du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent des sacrifices, même d'être vivants des fois, jusqu'à cet extrême-là, pour apaiser la colère de Dieu, afin que Dieu les bénisse. Nous aussi, de notre foi, on parle de ça. Jésus-Christ a apaisé la colère de Dieu par son sacrifice. Mais ça ne regarde pas dans un certain sens. C'est Dieu, le Fils, qui a apaisé Dieu le Père. Nous, on est bénis parce que lui a fait ça. Nous, on n'a pas à faire de quoi pour être bénis. On croit cela, et lui, il nous a bénis. Mais à cause qu'il nous a bénis dans le ciel avant la création du monde, nous avons cru cela, et nous avons reçu ces bénédictions-là qu'il avait prévues pour nous dans le temps passé. Je le répète à différents moments donnés, il faut faire attention de ne jamais mettre les bœufs en arrière de la charrue. Non, on dit le contraire. Hein? On dit, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et dans la vie chrétienne, des fois, on fait ça sans faire des fois exprès. On a tendance à mettre la charrue en arrière des bœufs. Non, je dis encore le contraire. Mettre les bœufs en avant de la charrue. faut faire attention de ne pas mettre Dieu en arrière de nous. Puis penser que Dieu nous suit. Jésus a dit tout au long de sa vie, suivez-moi. Il n'a jamais dit, je vais vous suivre. Il n'a jamais dit, je vais vous suivre. Il a dit, suivez-moi. Lui a un plan, lui a une vision, lui a un chemin dans sa... Lui, il savait ce qu'il voulait faire. Lui, il était tout organisé, son affaire. Il savait qu'il était né là, puis il savait qu'il mourrait à telle heure, à telle place, à tel endroit. Puis la Bible nous dit que son regard était tourné vers Jérusalem. Il s'en allait dans cette direction-là, puis il dit, suivez-moi. Tu ne voulais pas me suivre? Too bad. Je ne vous tirerai pas par la couette. Dieu ne tire jamais sur quelqu'un, ne pousse jamais quelqu'un, ne tirera jamais quelqu'un, ne bat jamais quelqu'un pour le suivre. Il dit, suis-moi. Et c'est dans son amour, dans ses bénédictions, dans son pardon, c'est ça qui fait qu'on le suit et qu'on avance. Et je vous garantis que ça a beaucoup plus de pouvoir que le fouet. Hein? Paul dit comment? L'amour de Christ nous presse, nous pousse, met de la pression sur nous. Mais l'amour, c'est une bonne pression. C'est une bonne pression. Le fouet, c'est une pression négative. Donc, on est rendu là ce matin et on va continuer au verset 6. Après avoir été béni, après avoir été élu, hein, on dit qu'il nous avait choisi, il nous a prédestinés. Prédestinés, ça veut dire qu'on a un destin qui est organisé. Ça ne nous enlève pas notre volonté propre. Mais ce matin, ce qu'on regarde, et dans les, on va finir ce matin, j'espère qu'on va finir ce matin ce bout-là. Ce qu'on regarde présentement, ce n'est pas nous ce que nous faisons. Ce que, on n'est pas en train de discuter si on a une volonté propre, si on prend des choix personnels. C'est pas ça qu'on parle. Ce matin, ce qu'on parle, c'est que Dieu a fait des choix, Dieu a une volonté, Dieu a un plan. C'est ça qu'on regarde. Ça ne nous enlève pas l'autre côté. Mais on regarde cette partie-là ce matin. Ce que Dieu, lui, a fait. Et de là, sachant ce qu'il a fait, ça va influencer nos décisions, notre volonté, nos choix personnels. Et donc, il nous a prédestinés. Et ce matin, nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. On va arrêter là, Daniel, on va revenir au verset 13 tout à l'heure. Verset 7 au verset 10. Il parle que en lui, nous avons été rachetés. On parle de la rédemption, du rachat d'être. Le mot dans le texte, pour nous autres, c'est un mot qu'on n'emploie pas. Avoir utilisé le mot rédemption hier dans vos conversations chez IGA, Super C, avez-vous utilisé ce terme-là quelque part? On n'emploie pas ça souvent. Alors, rachat, ça peut arriver qu'on on va dire j'ai racheté quelque chose, mais c'est plutôt rare. Et le terme à l'original, c'est un terme d'esclavage, de rançon. C'est de payer pour la liberté de quelqu'un. Dieu a racheté ou Dieu a acheté ou racheté ou payé pour avoir des gens. Ceux qui écoutent les petites vidéos que je fais, on en a parlé un petit peu dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, qui donne sa vie pour ses brebis. Pas pour toutes les brebis, mais pour ses brebis. Ici, il dit qu'avant la fondation du monde, Dieu a planifié de nous racheter. Ça veut dire que Dieu savait qu'il avait besoin de nous racheter. Il savait qu'on pêcherait, que la race humaine pêcherait. Il dit, j'ai planifié, j'ai organisé de vous pardonner vos péchés, par le sang de mon Fils, je vais vous racheter, je vais payer le prix de votre rachat. Si vous avez déjà étudié les religions du monde, moi j'étais un peu fanatique sur ce point-là, je regarde tout le temps. Cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de la méditation. Fait que j'étais allé sur YouTube, puis j'étais allé sur Dailymotion, puis j'ai cliqué, j'ai marqué, méditation. Et il m'a sorti des centaines puis des milliers de vidéos. Puis je me suis mis à en écouter. J'en ai écouté une centaine, je pense. Des 10 minutes à peu près chaque. Pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils croient, ces gens-là? Et j'ai entendu toutes sortes de choses. Il y a une madame qui, je ne la voyais pas, j'entendais, parce qu'il passait des images avec des écrits, puis j'entendais, je suis Dieu, je suis la lumière, je suis l'amour, donc je peux aimer. Ça fait dur. Ça, c'est moi qui ai dit ça. Je me suis dit, quand on n'a pas la lumière de Dieu en nous, on peut penser n'importe quoi. Quand on n'a pas ce Dieu-là qui travaille à notre salut. Moi, je crois personnellement que du moment qu'un élu, là je parle avec le mot élu, parce que dans le texte, on utilise le mot élu, le mot prédestiné, quand un élu vient au monde, Dieu ne le loge pas d'une semaine. Puis il va tout organiser pour le jour de sa rédemption. Il va tout gérer qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Il va tout organiser ça pour que le moment où la personne va dire « Je crois ». C'est lui qui organise tout ça. Il planifie tout ça. Il voit tout ça venir. Et il a décidé que du moment où est-ce qu'il va nous révéler que le sang Jésus-Christ nous lave de tout péché. C'est l'apogée. Il nous révèle que le salut a été accompli par Jésus-Christ pour nous. Là, nos yeux se rouvrent et on comprend. Mais ça, ça a été organisé dans l'éternité. Dieu dit, selon la richesse de sa grâce, il va intervenir dans notre vie. Puis il dit au verset 8, « Par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître. » Dieu s'organise pour nous faire connaître, pour nous emmener à comprendre le mystère de sa volonté. Le mot mystère, là, dans notre... Pour ceux qui sont comme moi, là, ceux qui sont de mon âge, qui ont un petit peu les cheveux gris, là, j'en vois quelques-uns ici. Le mot mystère dans l'Église catholique, ça voulait dire quoi? C'était pas possible de comprendre. C'était un mystère. On disait ça demain. C'est un mystère, on ne peut pas comprendre. Mais dans la Bible, le mot mystère n'a pas ce sens-là. Quel sens que ça a, le mot mystère, dans la Bible? Avec de l'aide. Oui, mais... Révélé par Dieu. Révélé par Dieu, oui, ça fait partie de ça. Mais c'est quelque chose qui était caché qu'on révèle. Un mystère, c'est quelque chose qui était caché, mais maintenant on révèle à quelqu'un. Mais il a été caché, mais on l'a révélé. C'est pas quelque chose qu'on peut pas comprendre. C'est quelque chose qui était caché, qu'on révèle. C'est ça qu'il dit ici. Il y avait un mystère. Dieu avait caché certaines choses. On voyait pas tout. Quand j'en ai parlé à Moïse, Moïse n'a jamais vu la croix de sa vie. Moïse n'a jamais vu ça, là. Lui, il n'a jamais compris que le Fils de Dieu qui s'appelait Jésus, un jour descendrait sur la terre, puis qu'il mourrait sur une croix à Jérusalem. Moïse n'a jamais compris ça. C'était pas révélé encore. Mais Moïse savait que Dieu enverrait quelqu'un. Comment ça se passerait, il ne savait pas. Mais il dit lui-même, Dieu va vous envoyer quelqu'un, puis si vous ne croyez pas en lui, vous allez périr. Vous croyez en lui. Il dit, il va parler du prophète qui doit venir. Puis Pierre a fait mention dans Acte 3, ce que Moïse avait dit. Mais il n'y avait pas toute cette révélation. Donc, Jésus, quand il est arrivé sur la terre, c'est un mystère révélé. Là, Dieu révélait des choses qu'il avait cachées jusque-là. Mais il dit ici, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que lui a organisé, planifié, puis il nous a donné dans sa grâce de l'intelligence pour qu'on connaisse le mystère de sa volonté. Vous n'étiez pas plus brillant, j'étais pas plus intelligent que les autres. On n'était certainement pas meilleur que les autres. Chez nous, dans ma famille, les deux, trois qui sont croyants, c'est les moutons noirs de la maison. Mais Dieu n'est certainement pas arrivé dans la maison chez nous, il a regardé les 13 enfants, je vais prendre les trois meilleurs pour en faire mes enfants. Mais non, il n'y a plus les pires, les drogués, les prisons, les gars en prison, ceux qui ont fait de la prison, les drogués, il a pris un baisse la pièce comme moi, qui avait-tu vendu sa mère pour 2 piastres? Puis il a dit, je vais faire de vous mes enfants. Wow! Il faut qu'il ait fait quelques révélations pour que ça arrive. Il faut qu'il touche notre cœur pour que ça arrive, ça. Il faut qu'il arrive et qu'il nous illumine nos yeux. Puis comme il dit, c'est, je vous révèle le mystère. Il dit ensuite au verset 9, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé. Oh, ça, j'aime ça, ce bout-là. En lui-même. Il n'a pas regardé dans l'avenir, il n'a pas regardé un film, il n'a pas regardé une vidéo quelconque. En lui-même, en lui, il a formé ce dessin-là, c'est ce bienveillant dessin. Dieu a seulement un dessin de bienveillance pour vous et moi. Il n'y a pas aucun autre dessin que ça. Dieu ne vous veut pas aucun mal, il vous veut juste du bien. Juste du bien. Il n'y a jamais aucune idée de mal pour vous. Si vous voyez du mal, nettoyez-vous les yeux, lavez-vous comme il faut. Allez voir quelqu'un, puis dit, aide-moi à voir clair, je vois noir un peu, mais ça, je vois Dieu, il s'acharne sur moi, mais ça, vous voyez des choses négatives, noires dans votre vie, des choses douloureuses que vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas bien. Parce que le dessein qu'il a pour votre vie, c'est un dessein de bien. Nous, des fois, on voit des choses qu'on appelle bonnes. Ah, ça, c'est une belle chose. Je bénis Dieu pour ça. Ça va faire votre malheur. Des fois, vous dites, oh non, pas ça dans ma vie. Seigneur, pourquoi tu permets ça? Et ça va faire votre bonheur avec le temps. Vous n'êtes pas le bon juge, moi non plus. Je vais déjà partager, quand j'ai tombé en dépression il y a plusieurs années, j'ai maudit Dieu pendant 8 mois quasiment. J'acceptais pas que Dieu ait permis ça dans ma vie. Aujourd'hui, c'est pour ça que je le bénis le plus. C'est à travers ça que Dieu m'a montré des choses dans ma vie que j'aurais jamais pu comprendre autrement. Vous voyez comment que je pouvais être dans l'erreur? Parce que j'analysais avec mes propres yeux à moi. Dieu dit, moi, François, faut que tu me crois par la foi. Toutes les journées de ta vie, c'est un dessein de bienveillance que j'ai pour toi. Peu importe ce qui arrive. C'est un dessein de bienveillance que j'ai pour toi. De ça, je vais tirer le bien. De ça, je vais te faire du bien. De ça, je vais t'emmener à ressembler à Jésus-Christ. Toute chose concourt à notre bien. Et je ne sais pas si vous savez dans le texte original de ce verset-là, le mot « toute chose », c'est bien et mal, c'est positif, négatif. C'est un terme de pharmacie, de médicament. C'est un terme que si vous preniez 2 poisons et vous les prenez individuellement, ils vont vous tuer les 2. Mais Dieu prend toutes ces choses-là qui arrivent dans votre vie, bien et mal, il met ça ensemble, puis il vous donne ça, puis ça fait du bien. Dieu va prendre tout ce qui se passe dans votre vie, bien et mal. C'est ça qui est le fantastique. S'il prenait juste le bien, je me dirais, n'importe quel Dieu peut faire ça. En guillemets, Dieu en guillemets. Moi, je peux vous faire du bien, si j'ai juste du bien à vous faire. Hein? Mais si je dois aller dans votre vie et prendre tout le mal qui est arrivé dans votre vie, puis je vous connais pas tout, mais les pires choses qui pourraient pas arriver dans votre vie, et les meilleures, hein, puis je dois prendre les 2, puis vous faire du bien avec, je suis pas capable. Pas capable. Mais Dieu est capable. Il dit, je vais prendre tout ce qui arrive dans ta vie, le bien et le mal, et je vais utiliser ça pour ton bien, afin que tu ressembles, parce que le but c'est quoi? À Jésus-Christ. Que vous deveniez comme Jésus-Christ. Le but c'est pas que la vie soit comme vous voulez. Le but c'est pas que vous ayez votre maison, que vous rêvez, puis c'est pas le troc, puis c'est pas la femme, puis les enfants que vous voulez. C'est pas ça le but là. Le but c'est devenir comme Jésus-Christ. Et ça c'est garanti. Dites, tout ce qui vous arrive, je vais l'utiliser pour votre bien. Ça, c'est ce qu'il dit. Je t'ai racheté, je t'ai offert le pardon de tes péchés, selon la richesse de ma grâce, je t'ai ouvert l'intelligence, je t'ai révélé un mystère, je vais te donner un destin ou un avenir de bienveillance, et tu vas pouvoir aller de l'avant et d'être uni avec moi pour toujours. Au verset 10, il dit, pour mettre en édiction, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il veut unir la terre et le ciel. Comment vous comprenez ça? Je vais essayer de le résumer le plus simple possible. Le ciel et la terre sont séparés. La terre, c'est ténèbres. Le ciel, c'est lumière. Le ciel, c'est la vie. La terre, c'est la mort. Depuis le péché, c'est ça, hein? Jésus qui dit qu'il est venu dans les ténèbres. C'est où, ça? C'est chez vous. C'est chez nous. On n'aime pas ça penser de même, là, mais... Il dit, Jésus-Christ est descendu dans les ténèbres. C'est où, ça? C'est chez nous. C'était chez nous. C'était pas chez les voisins, là. C'était pas en Afrique, là. Quand il est descendu des ténèbres, il aurait pu descendre dans ma maison, dans ma chambre à coucher, dans mon cœur. C'était les ténèbres là. C'est ça l'être humain. C'est comme ça qu'on était là. Peu importe la vie que vous aviez avant, que vous soyez assis dans une église ou dans une prison, c'était aussi ténèbres, là, vous savez. C'était aussi ténèbres les deux, là. Et là, je suis descendu dans les ténèbres. Et là, il dit maintenant, le but de tout ça, c'est d'unir la terre et le ciel. C'est de ramener la terre en relation avec le ciel. On pourrait le prendre au niveau individuel, meurer avec Jésus-Christ, Richard avec Jésus-Christ ou avec Dieu, puis on peut le prendre en tant que vu que planète, il va ramener la terre à la perfection et Dieu va venir habiter sur la terre avec Jésus-Christ, là, une nouvelle, nouvelle terre. On va mettre le ciel et la terre ensemble, encore une fois. Parce qu'au début, c'était comme ça. Hein? Dieu venait, descendait sur la terre, il venait parler avec Adam et Ève. Il n'y a pas de ténèbres là. Puis Adam et Ève parlaient avec Dieu, puis c'était beau, la vie était belle. D'un coup, bang! On a fait une gaffe, une super gaffe, qu'on appelle le péché. Et la terre est devenue ténèbre. Dieu a maudit la terre. Moi, que des fois, je dis aux gens, vous essayez de sauver la planète, vous n'avez pas ce pouvoir-là personne. Vous ne pouvez pas renverser la malédiction de Dieu. Dieu a maudit la planète. Un jour, il va la démaudir, si je peux dire ça. Romains 8 parle de ça. Hein? La terre soupire après la délivrance. La terre aussi va être délivrée de cette malédiction qui pèse sur elle. Et Dieu, un jour, va le faire. Et là, il va réunir la terre avec le ciel par la grâce, par le pardon des péchés, par la rédemption. Parce que quand Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Ça ne comprenait pas juste les humains. Ça comprenait aussi la planète. Toute trace de péché sur la planète aussi. Parce que la planète est entachée de péché. La planète, elle est maudite. C'est pour ça que vous travaillez et que vous avez un peu des petites gouttes qui coulent. C'est pour ça que vous travaillez et que ce n'est pas toujours facile. Il dit, tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. C'est pas facile ici. Il dit, tu vas souffrir. Ce que j'avais prévu pour toi être facile dans le paradis va devenir maintenant difficile. Il va pousser des ronces. Alors moi, je sème des fleurs dans mes plates-bandes puis il sort plus de mauvaises herbes. À quatre pattes d'une fleur. Dieu dit, tu vas vouloir ça, mais moi, j'ai maudit cette planète. Et le Greenpeace ne peut pas la changer, puis il n'y a personne qui va la changer. Personne ne peut la changer. Ensuite, il dit au verset, on va sauter par-dessus on va aller au verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Quand vous pensez héritage, vous pensez quoi d'habitude? Est-ce que vous vient un sourire ou si vous vivez une tristesse. C'est ça qui arrive souvent. Mais là, quand on arrive, quelqu'un nous dit ta mère t'a laissé sur ton héritage ou ton père, en général, on a une souris qui vient. Parce que si on connaît la personne, puis qu'on sait que la personne a un petit peu de blé dans les poches, il y a une petite souris qui se met on espère avoir un petit quelque chose. L'héritage, en général, c'est positif. En général, on pense que ça va nous emmener quelque chose. Oui, ça c'est vrai. Et ici, nous, on n'a rien perdu. Nous, on n'a rien perdu pour avoir l'héritage. C'est que Dieu a planifié dans les temps passés, avant la commencement du monde, avant la mise en place de l'univers, Dieu a planifié qu'on serait ses héritiers. Vous êtes les héritiers de Dieu. Vous êtes aussi, Romain dit quoi? Co-héritiers avec Christ. Si vous ne l'avez jamais fait, et que vous avez une concordance chez vous, ou que vous avez un ordinateur avec Online Bible, ou un autre programme quelconque. Allez dans votre logiciel ou dans votre copie, cherchez le mot héritier ou héritage. Et regardez ce que Dieu a en héritage pour vous, les enfants de Dieu. C'est important. J'ai posé souvent la question à des chrétiens, puis personne ne faisait cette recherche-là. Je disais, pourtant, si je vous disais que votre mère a un héritage, puis elle vous a laissé un testament, vous allez ouvrir le testament tout de suite, allez voir qu'est-ce que vous avez hérité. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'on est co-héritier avec Christ, puis on pense savoir qu'est-ce que ça veut dire. Nous, on voit, oh, on va aller au ciel. C'est beaucoup plus que ça, frère et sœur. C'est beaucoup plus que ça. Vous êtes et je suis co-héritier avec qui? Avec Christ. De quoi est-ce qu'il va hériter, lui? Moi, si je suis co-héritier avec Richard, ça veut dire que j'ai la même chose que lui, là. On s'appelle moitié-moitié, j'espère, moitié-moitié. Mais si j'ai un héritage avec Christ, il y a un héritage qu'il va lui être donné, qu'est-ce qu'il va avoir? Puis il va en avoir une partie avec lui, parce que je suis co-héritier avec lui. Je vous encourage cette semaine, si vous avez un peu de temps, prenez votre concordance, prenez un moyen quelconque, puis cherchez le mot héritage, vous savez des Bibles avec des parallèles, peut-être qu'ils vont vous emmener dans différentes places, puis allez voir, qu'est-ce que je vais hériter? Puis où, qu'est-ce que Christ va hériter? Et de faire votre joie de ça, vous allez voir, vous allez dire, waouh, je suis bien plus riche que je pensais! Spirituellement. Bien plus riche que je pensais. Ben, je vous encourage à faire ça. Il dit, on va être héritier en lui. Le mot en lui, on avait vu c'était quoi dans les premiers versets? En lui, c'était en Christ. Le fait qu'on est en lui, le fait qu'on est attaché à lui, le fait qu'on est devenu un avec lui. Lui va avoir un héritage, nous on a l'héritage. On a l'héritage, le même héritage que lui, on l'a avec lui. On va régner avec lui. Dans l'Apocalypse, il y a un verset qui dit qu'on est assis avec lui, sur le trône. Imaginez-vous donc, avez-vous déjà assez d'imaginer ça? Si vous êtes capable, si vous avez un peu d'imagination, là, assisez-vous. Puis dites, je suis assis avec Christ sur le trône de Dieu. Wow! Je suis pas Dieu, là. Ne me trompez pas. Une fois, j'avais dit ça dans une église, une femme vient de me voir. Elle dit, faux prophète, t'es pas Dieu! J'ai dit, j'ai pas dit, j'étais Dieu! J'ai dit, j'étais assis avec lui. Je suis pas Dieu, je suis pas lui. Ouais, mais tu t'es assis sur le trône. Puis j'ai montré les versets. Elle dit, j'avais jamais vu ça. On est assis avec Christ, hein. Éphésiens, on va le voir mais qu'on a lu dans Éphésiens 2. Nous sommes assis avec Christ dans les cieux. Mais si vous regardez où ce que Christ est assis, il est assis avec Dieu. C'est-à-dire que nous, on est là, puis on a cet héritage-là. La Bible dit qu'on va régner avec Christ. Quelqu'un derrière moi va dire, on va régner sur quoi? Sur qui? Mais on va régner avec lui. S'il règne, je règne. C'est toute une des vérités. Là, des fois, on s'arrête pas assez longtemps et assez souvent pour essayer de voir qu'est-ce que c'est que ça veut dire pour moi, ça, aujourd'hui, dans ma vie. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Si je vous disais, ce matin, je vous prends en part, je vous amène pour vous dire, j'ai une nouvelle pour toi. Dans 2 ou 3 mois, tu vas hériter de 5 millions de dollars. ça change votre vie aujourd'hui. Tout de suite. Tout de suite. Vous allez arrêter sur le concessionnaire à Poissin, vous allez laisser votre belle bagnole là, vous allez prendre une bagnole neuve, vous allez partir avec. Peut-être, si vous aimez les bagnoles. Vous allez arrêter en banque à Poissin, vous allez payer votre marge de crédit, vous allez payer votre maison, vous allez payer vos dettes, et ils arrivent chez nous, j'ai plus de dettes. Ils allaient faire des petits arrêts de même, vous en allez. Parce que, tout d'un coup, vous savez quelque chose qui s'en vient. Et sur cette décision-là qui s'en vient, vous allez prendre des choix aujourd'hui. Et nous, c'est pareil. On a un héritage qui s'en vient, et ça devrait influencer notre vie aujourd'hui. Des fois, mes frères et sœurs, la vie chrétienne est trop centrée sur les choses à faire et les choses à ne pas faire. Fais pas ça, les chrétiens, ça fait pas ça, on devrait pas faire ça, on devrait pas. Un chrétien devrait faire ça, un chrétien, ça fait ça. On est bien trop arrêté sur les choses qu'on doit faire, qu'on ne fait pas, ou qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas, ou qu'on devrait pas faire et qu'on fait. On est beaucoup trop arrêté là-dessus. Beaucoup trop. Ce que j'écoute sur Internet de sermons, je dirais que 75 et 80% des sermons, c'est ça. Qu'on devrait pas faire ça, puis qu'on devrait pas faire ça, puis qu'on devrait pas avoir ça, puis qu'on devrait faire ça, puis qu'on devrait aller là. C'est des choses qu'on devrait, les choses qu'on devrait faire ou pas faire. La vie chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. Paul, il dit quoi dans Romains? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ou ces choses semblables, là. C'est plus que ça. Arrêtons-nous pas, là. Le royaume de Dieu, c'est une relation avec Dieu, un héritage qui nous attend, c'est devenir un avec Dieu, et c'est beaucoup plus que je devrais pas faire ça, puis je devrais faire ça. Puis des fois, si vous écoutez vos propres prières, vous allez voir, vous dites, Seigneur, aide-moi pas faire ça, aide-moi à faire ça, fais-moi pas faire ça, fais que je fasse pas ci, fais que je fasse pas ça, c'est encore ce que je dois faire ou pas faire. Moi, je vous dis, prenez juste un petit bout pour la prière de ça. Le restant, méditez sur ce que vous êtes, ce qui est en train de vous faire, et ce qui va vous arriver à cause que vous êtes un enfant de Dieu. Ça va changer votre journée. Plus que de prier pour ne pas faire puis faire. Je vous garantis, essayez-le. Ça change plus la journée. Vous l'avez déjà fait comme moi, hein? Aide-moi à pas faire ça. À 9h, vous couchez, pardonne-moi parce que je l'ai fait. Vous avez déjà fait ça? Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dans la même gang que moi. Mais si on médite sur ce que Dieu a fait et ce qu'il est en train de faire pour moi, ça change plus ma vie que de prier sur toutes ces affaires-là des fois qu'on essaie de prier. C'est qui les héritiers? Le texte nous dit que les héritiers, c'est ceux qui ont espéré en Christ, au verset 12. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, ceux qui espèrent en lui... C'est ça, c'est eux autres les héritiers. C'est les saints, c'est les fidèles qu'on a vus dans le verset 1. C'est eux autres. Ceux qui ont été bénis de toutes les bénédictions spirituelles, ceux qui ont été élus, ceux qui ont été... Il dit continue, comment tu veux que je continue quand il vient de mettre une voix autour du nez? Correct, là je continue. OK, tu couperas ça, Patrick, ce bout-là. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce que... C'est nous qui espérons dans la personne de Jésus-Christ. On n'espère pas dans ce qu'on fait, on n'espère pas dans nos œuvres, on n'espère pas dans notre foi, dans le sens que ce qu'on pratique aujourd'hui, on espère dans une personne. Je me souviens toujours d'un contact que j'avais, un homme et une femme ici, que j'avais en Abitibi, un contact, et l'homme s'est pas converti, la femme s'est convertie avec les années. Et... un jour, on jasait ensemble, les trois, et la femme a dit à son chum, si jamais un jour je me tourne vers Dieu, je vais aller tourner vers le Dieu de François, pas vers le tien. Il avait été insulté, noir, lui, qui a dit ça. Parce que lui, il a dit, quand il nous parle d'une personne qu'on appelle Jésus. Toi, tu es toujours en train de nous dire quoi faire puis pas faire. Voyez-vous la différence? C'est ça la foi chrétienne, c'est ça la différence? C'est ça la différence. Et des fois, quand les inconvertis parle de l'Église chrétienne, ça m'attriste, parce qu'il parle de ce qu'on peut faire et ne pas faire. C'est nous autres qui sommes responsables en partie. Mais quand les gens parlent de l'Église baptiste de Val-d'Or ou qu'ils parlent de François Nollet à l'Église baptiste de Vitreville, ils devraient parler. Ces gens-là sont toujours en train de parler de quelqu'un qu'on appelle Jésus. C'est ça qu'ils devraient dire de nous autres. Ils devraient pas dire, « Oh, dans ce gang-là, ils n'ont pas le droit de boire. Oh, dans ce gang-là, ils n'ont pas le droit d'aller au cinéma. Oh, dans ce gang-là, ils n'ont pas le droit de prendre de boisson. Oh, dans ce gang-là, ils n'ont pas le droit d'aller danser. Oh, ce gang-là, ils n'ont pas le droit de faire ci. Oh, ils n'ont pas le droit d'être à côté. Oh, ils n'ont pas le droit d'être ci. Oh, ils n'ont pas le droit d'être ça. Ils n'ont pas le droit d'être ça. » C'est pas ça qu'ils devraient parler. Il devrait dire, dans ce gang-là, ils sont toujours en train de parler d'un nommé Jésus. C'est ça qu'on que les gens inconvertis devraient parler. Je regarde les actes des apôtres, c'est ça qui se passe. Regardez les inconvertis des actes des apôtres. Il dit, c'est toi qui parle de ce gars-là ressuscité, là, puis il parle de ce Jésus-là, puis il parle. Parce que c'est ça que les apôtres faisaient. Et je vous encourage. Et je m'encourage moi-même à faire la même chose, afin que le Seigneur puisse être glorifié dans ce sens-là. On est des gens qui espèrent en Jésus. Au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est que ça, être scellé du Saint-Esprit? À quoi ça sert un sceau? Authentifié. Que ça appartient avec quelqu'un. Anciennement, on marquait les bêtes. Aujourd'hui, on met des affaires des oreilles avec des clips, du plastique. Même à ce temps, certaines vaches ont le code-barre. C'est ça qu'ils identifient, un code-barre dans le cou. Ils passent devant la lumière, l'infrarouge, puis l'ordinateur, c'est tout sur la vache. Mais un sceau, ça sert à identifier, ça sert à marquer, à garantir quelque chose, que cette lettre-là vient bien de cette personne-là. Une appartenance, oui. On est scellé. On est scellé du Saint-Esprit. Lequel est un gage de notre héritage. Si vous avez cet esprit, c'est sûr que vous avez quoi? L'héritage. C'est un gage. C'est une garantie. Moi, je crois, quand Jésus va revenir sur la terre pour chercher son Église, il ne regardera pas vos yeux. Là, je parle de façon humaine. C'est vous qu'est-ce qu'il va regarder? Y a-t-il le Saint-Esprit, lui, celui-là? Oui, viens-t'en. Il ne regardera pas dans quelle église que tu es. Il ne regardera pas les yeux. Il ne regardera pas ce que tu as fait ou pas fait. Il va juste regarder. Y a-tu cet esprit? Oui. Y a-tu cet esprit? Oui. Il amène celui-là. Il va chercher son esprit, si je peux dire ça comme ça. Puis il va rassembler tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. Il les rassemble, peu importe dans quel bâtisse, c'est celui-là, c'est le dimanche matin. Il ramasse tous ces gens-là, puis ils les amènent avec lui. Puis ils vont recevoir leur héritage. Il y a un exemple dans ça, dans Ézéchiel, si je ne me trompe pas, ou Daniel, je pense à Ézéchiel. Ou est-ce que des anges qui rentrent dans la ville, puis Dieu leur dit, allez marquer ceux qui m'appartiennent, allez sceller ceux qui m'appartiennent. Puis ensuite, ça, ils ramassent ceux-là qui les appartiennent. Dieu, maintenant, il est dans l'espace-temps ou dans la période de temps où est-ce qu'il marque ses enfants. Il marque ses enfants. Il les marque tous ceux qui lui appartiennent. Il les marque du Saint-Esprit, c'est ça le sceau. Il les marque, il les marque. Et un jour, il va venir rassembler tout ce monde-là. Et moi, ça me soulage tellement que c'est ça qui va regarder et non pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas. C'est ça qui me soulage, c'est ça qui me donne une paix profonde que le Saint-Esprit est en moi, c'est un don de Dieu, j'ai été scellé par l'Esprit de Dieu quand j'ai été sauvé. Et c'est Dieu, il va regarder cela. Puis personnellement, je crois qu'il va regarder uniquement ça. Tu as mon esprit, ça veut dire que tu es mon élu, ça veut dire que je t'ai prédestiné, ça veut dire que je t'ai béni, ça veut dire que je t'ai racheté, ça veut dire que tu es de mon héritier, donc je t'emmène avec moi. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui croient qu'il y a un petit film de votre vie qui va passer quand vous allez mourir. Si vous êtes de ceux qui croyez ça, je vous plains. Excusez-moi, mais je vous plains. Parce que vous allez regarder, ça ne sera pas tout le monde beau. Puis il y en a même qui croient que tout le monde va le voir. Là, si c'est ça, je ne vais même pas y aller. Moi, je vous garantis, là, si on dit François, mais t'arrives au ciel, il y a une belle grosse écran, puis Daniel va faire jouer sur son PowerPoint, il va passer ta vie, puis que tout le monde dans le ciel va voir ça, ben je ne vais pas y aller. Non, ça ne peut pas passer. Ça peut pas passer. C'est parce que c'est pas ça que nous, on pense de même, des fois, parce qu'on a vu ces petits films-là, on a vu ces petites bandes dessinées-là, mais c'est pas ça que la Bible nous dit. C'est pas ça que la Bible nous dit. Ce qui nous scelle, ce qui nous donne droit à notre héritage, c'est le fait qu'on est scellé du Saint-Esprit ou pas. Il reste 10 minutes, Daniel. Allons-y, verset 15. Du 15 à 23, j'avais prêché ça dans 1 heure. Là, j'ai 10 minutes. Frère et sœur. C'est pourquoi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Paul ici, après avoir dit ce qu'il vient de dire, qui est fulgurant, il dit, je pense à vous. C'est pourquoi, ce que je viens de dire, c'est pourquoi, moi aussi, je prie pour vous. Je prie pour vous, les croyants. Il commence par dire au verset, je rends grâce pour vous. Je rends grâce à Dieu pour vous. Je rends grâce qu'il vous a élu. Je rends grâce qu'il vous a choisi. Je rends grâce à Dieu qui vous a prédestiné. Je rends grâce à Dieu qui vous a révélé. Mais je rends grâce à vous. Puis là, il dit, je prie 3 choses pour vous. 3 choses que je prie pour vous. Je vous dis personnellement que ces 3 choses-là, dans ma vie chrétienne, pendant une période de temps, je les ai priées pour moi tous les jours pendant des années. Pendant des années, j'ai prié ces 3 choses-là pour moi personnellement. Je le fais encore aujourd'hui, mais pas avec les mêmes mots. Il demandait 3 choses ici. Regardez bien qu'est-ce qu'il demande. Verset 17. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé aux saints. Il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui illumine vos cœurs. Je veux que vous compreniez ce que je viens de vous dire dans les premiers 14 versets. Je prie que Dieu vous fasse comprendre tout ce qui va vous arriver. Que vous compreniez la grandeur du plan de Dieu pour vous. C'est ça qu'il prie, lui. Là. Il ne prie pas qu'on arrête de regarder la femme du voisin. On va arrêter de regarder la femme du voisin si on est en train de contempler notre héritage. Mais si vous ne contemplez pas votre héritage et vous essayez de regarder la femme du voisin, vous allez juste changer de maison, vous allez en regarder un autre. Vous n'arriverez pas à arrêter. Mais ce qui va vous aider à arrêter, ça va de contempler quelque chose d'autre que l'héritage. Et je veux que vous voyez tout ce que Dieu a pour vous dans son plan. Je veux que vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence et de révélation dans sa connaissance. Je veux que vous connaissiez la personne de Dieu. Parce que sa connaissance, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Et je veux que vous connaissiez Dieu et Jésus. Frères et sœurs, je vous encourage, priez pour ça. Priez bien plus pour ça que pour les autres bébés. Priez pour ça. On est trop arrêté dans les autres petites affaires. Seigneur, je veux comprendre qui tu es. Je veux que tu me révèles ta personne. Je vais prendre ma Bible un matin et je veux que tu me révèles qui tu es. Je veux comprendre c'est qui Jésus. C'est vous le problème, c'est qu'on pense savoir. Cette semaine, j'écrivais à quelqu'un que je connais un petit message par Internet parce qu'on s'était rencontrés puis j'ai fait une gaffe. J'en fais pas, moi j'en fais des gaffes. Moi, j'appelle ça des péchés aujourd'hui en chrétien. Cette personne n'est pas croyante, mais j'ai fait une gaffe. J'ai pensé savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire. Fait que j'ai coupé. J'ai coupé, puis j'ai dit une vérité biblique. Mais je n'ai pas écouté ce qu'elle voulait dire. Je pensais savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et j'ai écrit, puis j'ai demandé pardon. J'ai dit, je t'ai pas écouté. je t'ai pas écouté, pardonne-moi. J'ai pensé savoir ce que tu voulais dire. Peut-être que je sais même pas ce que tu voulais dire. Pardonne-moi. Des fois, on pense savoir ce que Dieu veut dire. On pense savoir. Mais mon ami, savez-vous, je pense que c'est Saint-Augustin, qu'un jour se promenait sur le bord de la mer, puis il est avec ses étudiants qui enseignaient la théologie, puis il va sur le bord de l'eau, il prend sa tasse, puis il prend une petite tasse d'eau, puis il s'en va sur le bord de la grève, il creuse un trou, et il vide la tasse dans le trou. Il dit ça, c'est la connaissance que j'ai de Dieu. Dieu, c'est la mer. Saint-Augustin en savait un bout, pourtant. Il dit ça, c'est la connaissance que j'ai de Dieu, moi, c'est dans sa petite bolle-là. Et Dieu, c'est la mer. Révèle-moi la mer. C'est ça qu'on veut dire. Révèle-moi la mer. Montre-moi, c'est quoi ça? Montre-moi qui tu es. C'est ça que Paul prie ici. Je prie pour que vous ayez cette sagesse-là. Et il dit que je prie que vous compreniez avec l'héritage, l'espérance qui s'attache à votre appel. Il dit un espoir. L'espérance, c'est quoi? C'est quelque chose qui est dans l'avenir. L'espérance, c'est pas présent. L'espérance, c'est dans l'avenir, c'est futur. Je prie que vous compreniez l'espérance qui est devant vous, ce que Dieu a pour vous dans l'avenir. Qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage réservé au Saint. Tout à l'heure, c'est ça que je parlais. Cherchez mon héritage. Essayez de comprendre c'est quoi cet héritage-là. Dieu va vous révéler, va vous montrer à quel point c'est grand ce qu'il a pour vous. Moi, je crois que si on comprend ce qui est devant nous pour nous, on va être moins intéressé par les choses ici. Ça soit automatique. Des fois, on prie pour « Seigneur, aide-moi à ne pas convoiter les choses de la terre. » Ça se fait pas. J'ai déjà enseigné, ne faites jamais le vide dans votre vie. Faites jamais le vide dans votre vie. Essayez pas de vider votre cœur. Ça se fait pas. Il faut que vous remplissiez votre cœur par quelque chose d'autre. Ce qui est déjà là va sortir. Remplissez votre cœur de la vérité et le mensonge va sortir. Essayez pas de sortir le mensonge, vous n'êtes pas capable, moi non plus. Puis des fois, nos prières, c'est ça qu'on fait. On demande à Dieu qu'il enlève de nos vies certaines choses, puis ça se fait pas, ça marche pas. Mais si je mets quelque chose dans ma vie, l'autre va sortir. L'autre va sortir. Donc, demande Dieu, révèle-moi ce qui tu es, ce que tu as pour moi, ce que l'espérance qui m'attend ou l'héritage qui m'attend. Et maintenant, je vais vous montrer la troisième, c'est la plus grande requête qu'il fait. Il dit, et je prie, et, au verset 19, et je prie, c'est le suivant, je veux que vous sachiez, que vous compreniez, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Il lui a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit toutes choses. Tout en tout. Excusez, tout en tous. Ce qu'il est en train de prier, c'est de dire, je veux que vous compreniez quelle est la puissance qui est à l'œuvre dans votre vie. Parce que si on comprend bien qu'est-ce qu'il a dit du verset 1 à 14, ce qui vient dans notre esprit, mais on dit, c'est quasiment pas possible que ça arrive, ça, cette affaire-là. C'est trop grand. C'est trop grand. C'est trop grand ce que Dieu il m'a dit jusqu'au verset 14. Ça pourra jamais arriver. Hey, il m'a quasiment assis à côté de lui dans le paradis, sur le trône avec le Jésus-Christ. Je suis héritier de Dieu. Ça peut pas arriver. Je suis un pauvre petit crétin. Moi, je fais rien. Je travaille dehors. Je fais rien. Je ne fais presque rien dans mon église. Comment Dieu va faire pour m'emmener m'asseoir à la droite de Dieu? C'est impossible. Il ne peut pas faire ça. Puis je prie pas assez, puis j'évangélise pas assez, puis je donne pas assez à l'offrande. Je ne fais rien. Ou très peu. Ça ne change rien. Il dit, je veux que vous sachiez quelle est la puissance qui est à l'œuvre dans votre vie pour vous emmener à être héritier du ciel et de la terre en Jésus-Christ. Puis cette puissance-là, il dit, je l'ai manifestée, je vous l'ai montré. J'ai ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et je l'ai assis à côté de moi dans le ciel. C'est ça qu'il dit dans le passage. Je l'ai pris dans... Vous autres, les humains, vous l'avez enterré sous pied sous terre, vous l'avez maudit, vous l'avez crucifié. Moi, je l'ai sorti de là et je l'ai assis dans le ciel. Je vais faire la même chose avec vous autres. Je l'ai prouvé que je suis capable de le faire. Je l'ai prouvé. Cette puissance-là, il dit, je l'ai déployée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts et je l'ai assis et je l'ai établi dominateur sur toute la terre. Je vous ai montré à quel point je suis puissant. Je l'ai fait avec Jésus. Je vais le faire avec vous autres. Et cette puissance-là, elle est en vous. Ce qu'il dit bien, il dit, cette puissance qui agit envers vous. C'est pas que nous, j'étais un texte que je comprenais que cette puissance-là était disponible pour moi puis je devais l'utiliser. C'est pas ça que le texte dit. Le texte dit, elle est là en toi puis elle va faire son œuvre. Elle dépend pas de moi. Cette puissance-là est à l'œuvre pour emmener à l'accomplissement le plan de Dieu. Moi, je suis bénéficiaire de cette puissance-là. Elle ne dépend pas de moi, cette puissance-là. Moi, je dépends d'elle. Si je veux qu'il arrive tout ce qui est dit du verset 1 à 14, je dois croire que c'est cette puissance-là qui va l'accomplir, pas moi. Si vous pensez que ça dépend de vous, vous allez devenir malheureux. Vous allez devenir légaliste. Vous allez devenir jugeur des autres qui ne le font pas. Vous allez condamner les gens. Vous allez voir tout à l'heure. Peut-être qu'on va faire le chapitre 2, puis chapitre 4, puis chapitre 5, puis chapitre 6. Vous allez voir que c'est pas pour rien qu'il dit ça ici. Parce que dans cette église-là, il y a des problèmes. Et les problèmes, c'est que les chrétiens se comparent entre eux. Il y en a des bons et des moins bons. Il dit non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je vous ai tous bénis, je vous ai tous choisis, je vous ai tous élus, je vous ai tous prédestinés, tous les saints, pas juste quelques-uns, tous les saints. Vous avez tout le même héritage, vous avez toute la même puissance en vous. Et c'est moi qui vais faire cette œuvre-là en vous. Donc, frère et sœur, il ne faut jamais penser qu'on n'a pas la puissance de faire ce que Dieu veut faire en nous. Vous n'avez pas de puissance, vous n'aurez jamais de puissance, vous autres. Même Jésus, pendant qu'il était sur la terre, n'avait pas de puissance en lui. Vous marquerez qu'il va dire lui-même, tout ce que je le fais par la puissance du Saint-Esprit. Même Jésus dépendait du Saint-Esprit totalement pendant qu'il était sur terre. Il ne pouvait pas rien faire tout seul. C'est pour ça qu'il dit aux Juifs, vous blasphémez contre le Saint-Esprit qui vient de faire ce miracle-là. C'est lui qui le fait, c'est pas moi. Puis nous, c'est l'Esprit de Dieu, cette puissance-là, parce que la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, qui nous a pris dès notre naissance, qui va nous emmener dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est son œuvre. C'est pour ça, frère et sœur, qu'on chante « À toi la gloire ». C'est pas à nous, c'est à lui. On dit « À toi la gloire ». C'est pour ça qu'on va jeter nos couronnes dans le ciel. C'est pour ça qu'on va être tout tourné vers le trône de Dieu dans le ciel et on va tout chanter « À toi la gloire » pour l'éternité. Parce que si on avait fait quelque chose pour nous, si ça dépendait de nous, le moindrement, on pourrait dire « À toi la gloire » à 99%. 1% pour moi. Enfin, j'ai fait de quoi maintenant pour l'avoir là? Je fais de quoi, là? Seigneur, t'aurais pas été capable sans moi, hein? Mais non, ça marche pas de même. Donc, le Seigneur puisse nous aider. Et si prenez le temps, c'est-à-dire de relire ces trois requêtes-là, essayez de les personnaliser. Puis, il est là pour vous. Seigneur, illumine mes yeux de mon cœur. Seigneur, fais que je puisse comprendre l'espérance qui m'attend. Fais que je puisse découvrir la grandeur de l'héritage que tu as promis pour moi. Fais que je puisse découvrir la puissance qui est en moi. Parce que cette semaine, j'écoutais un programme de la télévision, puis on se moquait du christianisme, on se moquait de l'Évangile, on se moquait des chrétiens, parce que cette personne-là, je me suis dit, pauvre petit Toto, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je me parle des fois dans la cave à la TV, là, puis je regarde ça. Pauvre petit Toto, tu comprends pas ce qui se passe, hein? Tu regardes l'Église puis tu penses qu'on ne pourra pas faire de ce qu'on a. Oh. Mais si tu regardes l'Église, je te comprends que tu peux rire de nous autres. Mais ce que tu comprends pas, c'est pas nous qui va accomplir quoi que ce soit. C'est Dieu qui est en train d'accomplir son œuvre. C'est pas nous autres. Si tu regardes à ce que Dieu est puis ce qu'il est en train de faire, tu dirais, oh, c'est possible que ça arrive. C'est possible que ça arrive. Ça va arriver. Mais si tu regardes l'Église, moi, ce que j'entends des inconvertis qui regardent l'Église, c'est pas toujours blanc, hein? Pas toujours blanc. Pas toujours beau, ce qu'ils disent les inconvertis de nous. Puis moi, je leur dis tout le temps, mais tu n'as vu juste une petite partie. Si tu verrais tout, tu serais encore plus déçu. Je leur dis ça, moi. Si tu verrais tout ce que l'Église fait, tu serais encore plus déçu. Mais tu dois regarder à quelque chose d'autre. Tu dois regarder à Jésus-Christ. Si tu regardes à Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Prions ensemble. Notre Père du ciel, je sais qu'on a pris juste un peu de temps pour voir ces grandes vérités, mais on est tellement choyé que tu nous l'as révélé, ce mystère-là. Il est écrit, il a été révélé. C'est à nous maintenant, par la puissance de ton esprit, que tu nous le montres afin qu'on puisse te glorifier et t'aimer et t'adorer. On te prie comme Paul priait. Illumine nos cœurs. Donne-nous de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Donne-nous de comprendre que dans nos vies, il y a une grande puissance à l'œuvre afin d'accomplir ton plan. Pas notre plan, mais ton plan. Et ainsi, nous allons te glorifier pour toujours. Bénis cette Église, Seigneur, de toutes les puissances spirituelles que tu as pour eux, qu'ils puissent continuer à laisser briller la lumière que tu as mis en eux, afin que d'autres personnes puissent la voir, cette lumière, d'autres personnes puissent la connaître, cette vérité, et que tu sois béni et servi par un plus grand nombre. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Tu as un chat?